France Musique. Merci Elsa Boublil. Passez un très bel été. On vous retrouve dimanche prochain dès 9h sur France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour, je suis Audrey McDonald sur France Musique. Bonjour à tous. Quoi de mieux pour clore cette 9e saison de 42e rue, le rendez-vous des amoureux de Broadway chaque dimanche à 11h sur France Musique, que de rencontrer une véritable star. Sur sa cheminée, elle peut fièrement faire trôner 6 Tony Awards, la récompense suprême, les Oscars du théâtre qu'elle a remporté dans plusieurs catégories. 2 fois meilleure actrice dans une pièce de théâtre dont Lady Day, qu'elle joue maintenant à Londres sur la vie de Billie Holiday. Meilleure actrice dans une comédie musicale, c'était dans Porgy and Bess. Meilleur second rôle dans une pièce de théâtre, Masterclass, sur la vie de la Callas. Et 2 fois meilleur second rôle dans une comédie musicale, c'était Ragtime et Carousel. Audra McDonald a aussi reçu un Emmy Award pour une production de Sweeney Todd de Stephen Sondheim et 2 Grammy pour un opéra de Kurt Weill. Elle nous a reçus au Lincoln Center à New York avant un concert hommage à Ella Fitzgerald. Son nom, Audra McDonald. Bonjour Audra McDonald. Hello, bonjour. Thank you, merci de nous recevoir dans votre loge ici au Lincoln Center. Yes, we are here at Lincoln Center. My French is not good. Am I supposed to do this in French? No, you're not. Okay. Someday I know he's coming back to call me. He's gonna handle me and I hold me so. It's gonna be like dying a poggy deep inside me. But when he calls, I know I have to go. I loves you, Porgy. Don't let him take me. Don't let him handle me. Keep me. I want to stay here with you forever, and I'd be glad. I want to stay here, but I'm worthy. You is too decent. You don't need to be afraid no more. You picked up happiness and laid your worries down. You're gonna live easier, you're gonna live high. You're gonna outshine every woman in this town. And remember, when crown come, that's my business, Bess. I loves you, Porgy. What you think I is anyway? To let some dirty hound dog steal my woman. Don't let him handle me. You gonna say we're Porgy? You gonna say you got a home now, honey, and you got love. So no more crying. Can't you understand? You're gonna go about your business singing, 'cause you got Porgy. En 2012, Audra McDonald incarne Bess à Broadway dans la reprise de Porgy and Bess de George Gershwin, mise en scène par Diane Paulus, et elle obtient le Tony Award de la meilleure actrice de la saison dans une comédie musicale. Audra McDonald, vous êtes actuellement à Londres dans une pièce de théâtre que vous avez créée à Broadway, une pièce de théâtre musicale, Lady Day at Emerson's Bar and Grill. Vous incarnez Billie Holiday en 1959 en concert peu avant sa disparition dans un bar modeste à Philadelphie. Pourquoi jouer Billie Holiday sur scène ? Well, it kind of chose me. Mais non, c'est le spectacle qui m'a choisi. Au début, je ne voulais pas le faire parce que moi, je suis soprane et je me suis dit qu'il me serait impossible de trouver la voix exceptionnelle de Billie Holiday. Donc, je ne pensais pas pouvoir y accéder et je ne voulais pas la singer. Et je me disais que je ne pouvais pas, disons, habiter la voix de Billie Holiday. Et Lonnie Price et Lenny Robertson m'ont vraiment poussé dans mes derniers retranchements en me disant « Mais si, toi, tu comprends sa personnalité, tu vas bien la trouver. » Donc, on a travaillé pendant près de 2 ans. On a fait beaucoup de répétitions, c'est beaucoup documenté. Et le moment de révélation, pour moi, c'était un jour où j'écoutais des enregistrements vocaux de Billie Holiday où elle ne faisait que parler. Très détendue, elle était là avec ses musiciens et je me suis rendu compte qu'elle ressemblait beaucoup par la voix à ma grand-mère. Quand j'étais petite, j'adorais imiter ma grand-mère devant elle. Parfois, elle rigolait, parfois moins. Et je me suis dit, mais si, c'est exactement ma mémé, c'est exactement ça. Donc j'ai commencé à imiter ma mémé pour faire la voix de Billie Holiday. Et grâce à cette exploration, j'ai trouvé la voix de Billie Holiday. Mais c'est en fait ma grand-mère qui m'a permis de trouver cette voix. Mémé disait quelque chose comme... Audrey, get your feet off the Chesterfield. You know, she'd say something like that. You know, and that's kind of where Billie's voice starts. Et c'est un petit peu où j'ai trouvé les débuts de ma voix de Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black body swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant sigh, the bulging eyes, the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, in the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to dry. Here is a strange and bitter cry. Strange Fruit de Billie Holiday, interprétée par Audra McDonald dans son spectacle Lady Day at Emerson's Bar and Grill, actuellement à Londres au Wyndham's Theatre. Audra McDonald, comment tout a commencé pour vous ? Est-ce que c'est vrai que c'est à cause d'un album de Barbara Streisand qu'on vous a offert et que vous vous êtes dit à ce moment-là que vous vouliez être la prochaine Barbara Streisand? Well, I certainly listened to a lot of her. I used to listen to Funny Girl. En tout cas, j'ai beaucoup écouté Barbara Streisand, notamment Funny Girl. Et je jouais tous les rôles dans le salon. Et c'était une immense inspiration pour moi, Barbara Streisand. C'est vrai que j'aurais voulu être la prochaine même Barbara Streisand. Mais en tout cas, j'ai appris qu'il n'y a qu'une seule Barbara Streisand. Nous sommes tous uniques, en particulier elle. Et quand je me suis rendu compte de cela, je me suis rendu compte que là, je devais exprimer mon propre talent à moi. Qu'est-ce que vous aimiez dans cet album de Barbara Streisand? Of Barbara Streisand? Oh, what, you know, the authentic sheer brilliance of her. Il y a chez elle ce côté authentique, son âme qui fusionne avec le personnage qu'elle incarne. Le personnage, c'est Fanny Bryce, incarné par Barbara Streisand, mais on confond l'un pour l'autre. Sa voix est indescriptible. Mais ce que l'on ressent quand on écoute Barbara Streisand quand elle chante, c'est qu'on sait qui elle est. Vous voyez ce que je veux dire? On sait qui elle est. On voit son âme qui ressort dans sa voix. C'est ça qui m'a frappé. I got 36 expressions. Sweet as pie to tough as leather. And that's 6 expressions more than all them Barrymores put together. Instead of just kicking me, why don't they give me a lift? Well, it must be a plot, 'cause they're scared that I got such a gift. Well, I'm miffed, 'cause I'm the greatest star. I am by far. But no one knows it. Why, they're gonna hear a voice, a silver flute. They'll cheer each toot. Hey, that kid is terrific. When I expose it. Now, can't you see to look at me that I'm a natural Camille? As Camille, I just feel I've so much to offer. Hey, listen, kid, I know I'd be divine because I'm a natural coffer. Some ain't got it, not a lump. I'm a great big clump of talent left. They'll bend in half. Did you ever hear a story about the traveling salesman? 1,000 jokes stick around for the jokes. 1,000 faces. Reiterate, when you're gifted, then you're gifted. These are facts. I got no axe to grind. Hey, what are you, blind? In all of the world so far, I'm the greatest star. No autographs, please. You think beautiful girls are gonna stay star forever? I should say not. Any minute now, they're gonna be out. Finished! Then it'll be my turn. Who is the pip with pizzazz? Who is all ginger and jazz? Who is as glamorous as? Who's an American beauty rose with an American beauty nose and 10 American beauty toes? Eyes on the target and wham! One shot, one gunshot and bam! Hey, Mr. Keenan! Can make Barbara Streisand en 1968 dans Funny Girl, la vie de Fanny Brice en comédie musicale adaptée au cinéma. La musique est signée Julie Stein et cette chanson fameuse I'm the greatest star, une chanson qui a marqué notre invitée ce matin, Audra McDonald. En quoi Barbara Streisand a été un modèle pour vous dans votre carrière? I've been trying to, you know, search for the truth through my characters and dans les personnages que j'incarne, j'essaye de trouver la vérité. La vérité de la condition humaine, la vérité de l'âme, de l'esprit. Je crois qu'un grand nombre d'artistes ont cette quête aussi. Comment avez-vous appris à chanter? Eh bien, j'ai grandi dans une famille de musiciens. Ma grand-mère, mon père, ma grand-mère, elle a eu un master's en musique dans les années 30 dans le Mississippi, assez rare pour une femme noire. Et toutes mes tantes du côté paternel sont des chanteuses. Donc, je ne dirais pas que c'était l'entreprise familiale parce que personne n'a véritablement fait carrière en musique, mais on chantait tous ou on jouait de la musique. Quand on s'appelle McDonald dans ma famille, eh bien, on est musicien. C'est comme ça. C'est vrai que vous chantiez tout le temps quand vous étiez plus jeune? Ah oui, mes parents vous diraient ça, oui. Mon père disait, ah, ça y est, le cirque est de passage en ville. Moi, j'étais sans arrêt sur scène en train de jouer pour la famille, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, le salon. J'étais sur scène et je chantais, oui, absolument. Je chantais n'importe quoi, une pub de bière, n'importe quoi. Diana Ross, Barbara Streisand, Leontine Price, Stevie Wonder, Michael Jackson, peu importe, chantais tout et n'importe quoi. Je chantais, c'est tout. Never felt this way before. Just a little bit in love, or perhaps a little bit more. When he looks at me, everything's hazy and all out of focus. When he touches me, I'm in the spell of a strange hocus pocus. It's so, I don't know. I'm so, I don't know. I don't know, but I know. If it's love, then it's lovely. It's so nice to be alive when you meet someone who bewitches you. Everything's hazy and all out of focus. When he touches me, I'm in the spell of a strange hocus pocus. It's so, I don't know. I'm so, I don't know. I don't know, but I know. If it's love, then it's lovely. It's so nice to be alive when you meet someone who bewitches you. Will he be my all, or did I just fall a little bit, a little bit in love? Audra McDonald, c'est dans Wonderful Town de Leonard Bernstein avec le Birmingham Contemporary Music Group sous la direction de Simon Rattle, un enregistrement de 1999. Laurent Vallière, 42e rue. France Musique. À Broadway, avec Audra McDonald, vedette de Broadway. Audra McDonald, vous avez une voix d'opéra et pourtant vous avez choisi de faire carrière à Broadway. Pourquoi ? That was my first love. It was what I always wanted to do. C'est mon premier amour à Broadway. Ce n'est qu'à la Juilliard que j'ai découvert que j'avais une voix de chanteuse d'opéra. Mais avant ça, je ne pensais pas que j'avais une voix classique. J'ai toujours voulu travailler à Broadway. C'était mon rêve depuis l'âge de 9 ans. Et ce n'est qu'après 5 ans à Juilliard que je me suis rendu compte que il y avait dans ma voix un aspect classique. Et là, j'ai trouvé ma véritable voix authentique. Ma voix n'est pas classique ou autre, c'est ma voix, c'est tout. C'est comme ça que je chante. Et une fois que j'ai compris ça, c'est là que j'ai commencé à mener la carrière qui est la mienne. Comment avez-vous compris que vous aviez une voix d'opéra à la Juilliard School ? Well, it was a tough, long discovery. C'était une découverte un petit peu ardue. Je ne voulais pas avoir une voix de chanteuse d'opéra. Je ne voulais pas être cantatrice. Donc ça a été une bataille. On a beaucoup parlé avec mes profs. Parce que moi, encore une fois, je voulais travailler à Broadway. Comment aller à Broadway en tant que cantatrice ? Donc j'ai dû me bagarrer, en fait. Mais une fois que je me suis rendu compte que la voix d'opéra faisait partie de moi, eh bien, je pouvais avancer. Est-ce que c'est vrai que vous avez refusé plusieurs fois le rôle de Mimi dans La Bohème de Puccini ? Je ne sais pas si ces propositions étaient vraiment fermes ou sincères, mais en tout cas, oui. J'ai chanté deux opéras, La Voix humaine de Poulenc, Courtevaille, Grandeur et décadence de Mahagoni. Mais Mimi, non, je ne le sens pas. Ce serait pas bien pour Mimi, ce n'est pas moi. J'aime bien voir et entendre les autres faire Mimi. Quant au personnage, oui, je pourrais jouer le rôle de Mimi en tant que comédienne. Mais chanter Mimi, non. Non, je n'ai pas le caractère, le tempérament, la personnalité. Non, ça ne marcherait pas pour chanter Mimi, non. Whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. Say goodbye. We love. La magnifique voix d'Audra McDonald en 2007 en soutien-gorge et cheveux tout plats sur la scène de l'Opéra de Los Angeles. C'est l'un des rôles principaux de Grandeur et décadence de Mahagoni, l'opéra de Kurt Weill, un enregistrement avec l'orchestre et le chœur de l'Opéra de Los Angeles sous la direction de James Conlon. Un album, une vidéo, un opéra qui reçoit un Grammy Awards en 2007. Meilleur album classique de l'année et meilleur enregistrement d'opéra. La chanson, vous l'avez reconnue, c'était Alabama Song. Audra McDonald, merci d'être avec nous ce matin sur France Musique. Vous êtes une artiste noire. Est-ce que cette couleur de peau vous a causé des difficultés dans votre carrière? Yes, of course. Ah oui, bien sûr. But at the same time, I think I've been very, mais en very même temps, je crois que j'ai eu beaucoup de chance. En effet, dans bien des cas, les metteurs en scène et les producteurs ont décidé de prendre un risque et de m'embaucher. Ils m'ont choisi pour tenir des rôles qui, typiquement, étaient tenus par des femmes blanches. Carrie Pippridge, par exemple, ou alors Mother Abyss dans La Mélodie du Bonheur. Ça, c'était sur NBC. Et j'ai joué Miss Grace Farrell dans Annie. Ça, c'était sur ABC avec Kathy Bates et Christine Chenoweth il y a des années. Vous voyez, ça, c'est des rôles qui étaient typiquement tenus par des femmes blanches. Alors que les metteurs en scène et les producteurs ont pris le risque de m'embaucher. Et ça a bien marché, bien que ça ait laissé quelques personnes interloquées, mais bon, je dois dire que j'ai eu pas mal de chance parce que ça a bien marché. Mais jusque-là, est-ce que cela avait été un problème pour vous? Au lycée, il y a plein de rôles que je voulais tenir. Moi, je voulais jouer le rôle d'un des enfants dans La Mélodie du Bonheur. Tout allait bien, sauf la couleur de ma peau. Et j'ai fait un casting pour Les Misérables. Et on m'a dit non. Moi, je voulais jouer Eliza Doolittle dans My Fair Lady. Et on m'a dit, mais vous êtes noire, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, les gens ont l'esprit plus ouvert. Mais au début de ma carrière, j'ai quand même eu des difficultés. Jusqu'ici interprété seulement par des artistes caucasiens, le rôle de la mère supérieure de La Mélodie du Bonheur, interprété pour la chaîne NBC il y a 4 ans par Audra McDonald, l'afro-américaine. La chanson, vous l'avez reconnue, c'était Climb Every Mountain. Audra McDonald, qu'est-ce que ça vous a fait en 1994 lorsque on vous a proposé dans Carousel d'interpréter le rôle de la naïve Carrie Pipridge, traditionnellement tenue par une actrice blanche? Well, I was shocked. I was absolutely shocked. They let me audition and then that they cast me, you know. Eh bien, j'étais la première surprise. J'ai fait le casting et j'ai été choisi. Nicholas Heitner, le metteur en scène, voulait... Il s'intéressait à ce que moi, je pouvais apporter au personnage. Et ça n'a jamais choqué personne que je sois noir, ni lui, ni moi. Moi, je comprenais bien le personnage. Cette jeune fille, quels étaient ses désirs, et ainsi de suite. C'était parfait pour moi. Vous pensez que ça a ouvert la porte à d'autres artistes noirs, d'autres rôles pour des artistes noirs? I hope so, and et I think je l'espère so. Bien. Je crois think, aussi que ça a été le cas. Helped. Oui, ça a peut-être ouvert quelques portes pour certains qui m'ont suivi. Open, je ne dis pas que la porte est grande ouverte, mais en tout cas, ça a aidé. His name is Mr. Snow, and an upstanding man is he. He comes home every night in his round bottom boat with a net full of herring from the sea. An almost perfect beau, as refined as a girl could wish. But he spends so much time in his round bottom boat that he can't seem to lose the smell of fish. The first time he kissed me, the whiff of his clothes knocked me flat on the floor of the room. But now that I love him, my heart's in my nose, and fish is my favorite perfume. Last night he spoke quite low, and a fair-spoken man is he. And he said, Miss Pipridge, I'd like it fine if I could be wed with a wife. And indeed, Miss Pipridge, if you'll be mine, I'll be yours for the rest of my life. Next moment we were promised, and now my mind's in a maze. For all it can do is look forward to that wonderful day of days. When I marry Mr. Snow, the flowers will be buzzing with the hum of bees, the birds will make a racket in the churchyard trees. When I marry to home we'll go, and both of us will look a little dreamy-eyed, a driving to a cottage by the ocean side, where the salty breezes blow. He'll carry me across the threshold, and I'll be as meek as a lamb. Then he'll set me on my feet, and I'll say kind of sweet, well, Mr. Snow, here I am. Then I'll kiss him so he'll know that everything will be as right can be, a living in a cottage by the sea with me. Yes. When I Marry Mr. Snow, extrait de Carousel, la comédie musicale de Oscar Hammerstein et Richard Rodgers en 1994 au Lincoln Center avec Audra McDonald. Audra McDonald, 4 ans plus tard, vous faites partie d'une création, l'adaptation d'un roman fleuve, Ragtime, d'Edgar Lawrence Doctorow à Broadway. Et alors là, les auteurs, Lynn Ahrens et Stephen Flaherty, compositeurs, auteurs, écrivent sur mesure pour vous. Je crois que vous avez 26 ans, une chanson. Qu'est-ce que ça fait ? Lors des premières répétitions de Ragtime à Toronto, au Canada, Lynn Ahrens et Stephen Flaherty sont venus me voir après la deuxième journée de répétition et m'ont dit, vous savez quoi, il y a Audra McDonald qui est là, elle est assise là. Elle n'a pas de morceau en solo. Elle joue uniquement en duo. Et puis la scène où on la tue. Mais il n'y a aucune chanson pour Audra. Et puis il nous manque un passage où le personnage joué par Audra, Sarah, est pardonné parce qu'elle a envisagé de tuer son enfant. Donc ils se sont rendus compte qu'on pourrait faire d'une pierre deux coups. On va lui donner un morceau rien que pour elle. Et ça me donne la possibilité d'expliquer au bébé et au public pourquoi j'ai agi de la sorte envers mon enfant. Ainsi, le public peut être de mon côté et avoir de l'empathie pour moi, alors que s'il n'y avait pas eu ça, il restait dans l'incompréhension. D'où la chanson « Your Daddy Sent Me ». Donc, il faut que ça soit un petit peu comme une comptine dans le registre émotionnel. Donc en effet, oui, ils ont fait la chanson sur mesure pour moi. Et lors des premières répétitions, il y a certains passages de la chanson auxquels j'ai apporté ma propre contribution. Plutôt que de terminer sur une note très très haute, j'ai choisi une voix un petit peu plus basse. Et puis il y a un A qu'on a transformé en OU, des petites choses comme ça avec lesquels je me sentais plus à l'aise. Thank you. Daddy played piano, but he's playing still. Mama can't forget him, don't suppose I will. God wants no excuses, I have only one. You had your daddy's hands, forgive me. You were your daddy's son. Your Daddy's Son, Audra McDonald, extrait de la comédie musicale Ragtime en 1998 de Stephen Flaherty et Lina Rentz. 42e rue sur France Musique, Laurent Vallière. Avec Audra McDonald, rencontrée le mois dernier à New York. Alors ensuite, Audra McDonald, après ce Ragtime, voici un compositeur, Michael John Lacchiosa, qui écrit carrément pour vous une comédie musicale entièrement sur mesure, inspiré du mythe de Médée. Ça s'intitulait Marie-Christine. Et Médée, on se rappelle, c'était cette femme qui tue ses enfants. Michael John Lacusa, wonderful, Michael very, John Lacusa. Very talented musical theater composer. Voilà un compositeur très talentueux lui aussi. Lors des auditions pour Carousel, il était au Lincoln Center et il travaillait sur une comédie musicale. Et le responsable du casting est allé à l'étage inférieur et dit « Il y a une fille qui est là et nous pensons qu'elle pourrait vraiment être bien pour ce nouveau spectacle. Elle pourrait tenir un rôle, ce serait absolument parfait. » And so they had Michael John Lacusa. Donc Michael John Lacusa est allé à l'étage. Moi, je savais aucune idée de ce qui se passait. Et on m'a demandé de chanter pour ce homme-là. J'ai dit bon, d'accord, allez, on va chanter, très bien. Et lui, il a dit, bon, je suis revenu pour une autre audition. Ils ont trouvé que j'étais un peu jeune. Et puis Michael John Lacusa est revenu plus tard et il a choisi un rôle sur mesure pour moi, m'aider. Ça se passe à Nouvelle-Orléans et on a fait ça au Lincoln Center en 1999, oui. C'est un personnage désespéré comme souvent les personnages que vous incarnez, Audra McDonald. Yes, is there a trend, you oui, think? Je suis abonné à ces rôles-là. Hein. Oui, ça se passe bien dans ma vie privée. She kills how many perfume. I know. Medea's got some issues. She's got some revenge. Oh, elle a des problèmes, Medea. Yeah, moi, j'en ai pas. Mais... mais c'est formidable, quel catharsis. C'est pourquoi on va au théâtre, pour que l'on puisse vivre les choses sur scène sans avoir à les vivre chez soi. My mother taught me that I have a gift. And she showed me how I may use it. I come here to the lake, and people come to me for help. Servants who envy their masters, more powerful than her mother. Upper class women, wealthy and white. Young men hungry for lovers. She sleeps with the devil. To find a lover, I have something you must use. I call it come to me powder, works on any man you choose. Sprinkle it on your handkerchief, bring it close to his face and puff. He will plead for your lover, he will take what you give, he will never get enough. He will never get enough. Must eat. I call it get away biscuit, and its taste is bittersweet. Swallow it whole at supper time with a sip of ginger beer. At 6 on the clock on St. Agatha's Eve, your lover will disappear. Your lover will disappear. What can make the strongest spirit? What can make the weakest spirit strong? What can fill the day with all the mysteries of night? What is it we need as much as water, air, and light? Oh, you know. Oh, yes. I have something you must wear. I call it stay with me ribbon, but it's not for your hair. Use it to measure his petit prince. Mark the ribbon, tie it in a knot. Wear it round your neck till the day that you die. You will keep the love you've got. You will keep the love you've got. If you believe, it is. Audra McDonald, en l'an 2000, dans la comédie musicale Marie-Christine, composée par Michael John Lacusa et inspirée du mythe de Médée, un Médée resitué en Nouvelle-Orléans. La chanson s'intitulait « To Find a Lover ». Audra McDonald, comment vous travaillez votre voix ? I still have the same voice teacher that I've had since 1995. J'ai le même professeur. Five. Comme 1995. And I still study with him as often as I possibly can. Et je travaille avec lui autant que possible. Quand je travaille un rôle, parfois je vais le voir deux fois par semaine. Et quand je travaille à Broadway, je le vois deux, trois fois par semaine pour maintenir la voix en bonne santé. C'est comme le travail d'un athlète. C'est un muscle, la voix. Il faut sans arrêt s'entraîner et il faut que la voix soit en bonne santé. Ça demande beaucoup de travail pour bien maintenir la voix. Quel était le rôle le plus difficile vocalement de toute votre carrière ? Oh, Porgy and Bess. Porgy and Bess. Porgy and Bess, yes, because it's not meant to be sung eight times a week, and I was parce que Porgy and Bess huit fois par semaine, c'est très très difficile. C'est ça qui était difficile. C'est une partition pas facile. Et je dois dire que la partition est difficile, mais c'est un rôle que je peux chanter. Mais faire ça tous les soirs avec la matinée, le samedi et le mercredi, eh bien c'est épuisant. J'en ai pas mal souffert d'ailleurs. Quel est le secret pour chanter Porgy and Bess huit fois par semaine durant une saison? I think there's a lower expectation of someone sounding absolutely pristine. Qu'il ne faut pas être aussi exigeant. Il ne faut pas rechercher la perfection absolue. Parfois, vous avez 15 heures pour vous reposer, voire 3 heures quand il s'agit d'une matinée. À l'opéra, évidemment, vous avez entre deux spectacles 3 ou 4 jours de repos. Votre voix est en pleine forme. Et là, vous n'avez pas droit à l'erreur à l'opéra. L'intonation doit être parfaite et ainsi de suite à l'opéra. Beaucoup plus de rigueur, donc. Mais huit fois par semaine, on se donne un petit peu plus de droit à l'erreur. No how, because the sorrow of the past is all done, done. Oh, Bess, my Bess, the real happiness is just begun. Porgy has your woman now. Eyes, eyes, and I never go in nowhere unless you share the form. There's no wrinkle on my brow, no heart, 'cause I ain't going. You'll hear me saying, if you ain't going with you, and summertime and wintertime. Bless you, God, your man. Oh, she's your woman now and forever. This life is just begun. My Woman Now, c'était Audra McDonald dans Porgy and Bess à Broadway en 2012, aux côtés de Norm Lewis. Audra McDonald, vous les mettez où, toutes vos statuettes, vos 6 Tony Awards, vos 2 Grammy, votre Emmy Award? They're kind of all over the place. Oh, un petit peu partout chez moi. Children, a man, a woman and 2 dogs. Parce qu'il y a un homme, une femme, des enfants et un chien chez moi. Hein. Donc, oh non, il n'y a pas d'étagère en particulier. Il y a plein de trucs, il y a des couches culottes, il y a des chaussures qui traînent, il y a des jouets, il y a plein de trucs chez moi. Et puis c'est une petite statuette là aussi. C'est un honneur incroyable. C'est très important pour moi, mais ma famille passe avant quand même. Donc chez moi, c'est la famille qui prédomine. Je suis sûr que vous recevez des dizaines de propositions de rôles. Comment choisissez-vous les comédies musicales dans lesquelles vous jouez? Parts that scare me. Eh bien, il y a des rôles qui m'effraient. Usually means I need when I am initially frightened by a project, that usually means it's something that I need to lean into. Eh bien, là, il faut que je m'y intéresse donc. I'm going to learn. Parce que quand ça m'effraie, je crois qu'il y a quelque chose que je pourrais apprendre. Si un rôle ne m'effraie pas, eh bien ça m'intéresse beaucoup moins, évidemment. Le défi est moindre. Quel rôle vous aimeriez interpréter dans vos rêves les plus fous? I always say that I'd like to do more Shakespeare. Plus de Shakespeare, peut-être. Lady M. I don't want to say Lady Macbeth. We're in a theater right now. The Scottish play. Lady Macbeth, vous savez, ça se passe en Écosse. Ou Cléopâtre, tiens. Cléopâtre de Shakespeare. Ça, ce serait chouette. Ça, ce serait un énorme défi. Merci beaucoup, Audra McDonald. Merci. Thank you. On viendra vous voir à Londres dans Lady Day. OK, thank you. He gave me a little moonlight when I need it. That's it, Jim. Oh, what little moonlight can do. Ooh, what little moonlight can do to you. You're in love, your heart's a-fluttering all day long. You only stutter 'cause your poor tongue just will not utter the words I love you. Comes peeping through. You get by. You can't resist him, and all you say when you have kissed him is, ooh, what a little moonlight can do. Ooh, what a little moonlight can do. A fluttering all day long. You only shudder 'cause your poor tongue just will not utter the words I love you. Ooh, what little moonlight can do. Wait a while till little moonbeam comes peeping through. You get by, you can't resist him, and all you say you have kissed him is, oh, oh. What a Little Moonlight Can Do, la chanson de Billie Holiday, reprise actuellement à Londres par Audra McDonald dans son spectacle Lady Day. Grand merci à Audra McDonald. Sur la page de 42e rue sur France Musique, vous retrouverez la programmation musicale de l'émission et puis les informations sur ce spectacle à l'affiche au Wyndham Theatre de Londres. Et puis je ne peux que vous conseiller de retourner tout cet été sur la page de l'émission pour réécouter d'anciennes émissions ou tout simplement revoir tous nos cabarets en vidéo. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été. Je vous retrouve à cette même heure en août. Je vous accueillerai sur Broadway Plage. Quant à la 42e rue, elle revient dès septembre. Même jour, même heure. Merci à Martine Moni qui m'a accompagné toute cette saison pour la préparation. Merci à Julie Garraud à la technique. Merci à mes deux réalisateurs, Fabien Flora et bien sûr Perrine Mingui. Rideau. Merci d'écouter France Musique. Il est midi, nous retournons à l'opéra grâce à Stéphane Grant.